But there is maybe one thing that I would like to do. But maybe 32 MBPI. Qu'est-ce que t'en penses? 32 MBPI. Parce que moi, ça me reste un moment et je peux pas faire grand-chose en fait quand j'enregistre mon loop. Je peux pas répéter deux fois et faire une variation. Qu'est-ce que tu joues du coup, Mathias? Je suis obligé. Que joues-tu à Maastricht? Que joues-tu donc comme un. Oula! Que joues-tu donc comme un instrument? Like, Come on, come on, there, oh, lady. Like. says fornication. Exactly. somewhere.